of time. Out of time. Thank you. Beautiful. We'll be right back. Galaxy Live. We'll be right back. Galaxy Live. We'll be right back. Galaxy Live. Glass. Galaxy Live. Avec un instant le mix de New Breed, justement New Breed et King Unique qui vous présenteront leur nouvelle compilation sur le label EQ Recordings, le label australien. La compilation s'appelle Électrique, c'est le volume numéro 2. Elle sortira en France et puis en Europe justement le 10 octobre prochain. Et si vous voulez plus d'informations, on vous donne même le site internet www.stomp.com.au/EQ. C'est pour avoir plus d'informations donc sur cette prochaine compilation. Prochaine